de Amazon et pas de Jésus. Voilà où on en est. J'peux même pas dire que j'suis déçu. J'm'en bats les couilles en vrai. Dans mon dachat, les insultes des bolos ne me font plus d'effet. J'ai le casier des gens, j'aime bien avoir les faits. Quand le jeu dure trop longtemps, c'est plus un jeu. J'suis d'une autre espèce animale. C'est pas blessé que j'suis le plus dangereux. Un roi. J'ai jamais vu une fève coupée en deux. Ne me prends pas, rappelé comme ça, je le fais quand je veux. Peu importe l'ampleur des dégâts, maman ne baisse jamais les bras. Mais France-Afrique, Chine-Afrique, on a clairement perdu les gars. Charger les canons, prendre la mer devient inévitable. La facture de la vie, c'est pas celle de numéricable. J'suis dans le vaisseau spatial, car y'a qu'un bouton. T'en vas voir rien mouton, demain la loi martiale 2020, je mets le pape Benabila, sur le même tableau, pas de photo du corps d'Oussama, les G.I. l'ont jeté à l'eau. Qui va m'arrêter, peut-être la 5G. Traqué, ces enculés, savent tout ce que je fais. Faut plus braquer, faut encoder. Moi je vais encoder rien du tout, c'est le BEP. En gros c'est cuit, la seule issue, la piraterie. On vide les coffres, on se réfugie comme Ben Ali. Moi je sais qui je suis pas quoi je suis pas Charlie. Que des frères, c'est pas l'esprit, camaraderie. La chance dit qu'elle arrive, elle est même pas partie. Personne ne m'en sorcelle, c'est pas comme ça la vie. B-A-K-E-N, demande à Seydou, demande à la G. Tu me vois le jour, mais je ne prends vie que la nuit. Le cordonnier, pas forcément le mieux chaussé. Moi tes proverbes, je m'en bats les couilles. J'ai ma paire Gucci au pied, c'est tout ce que j'ai. Deux enfants, mes coronets, c'est tout ce que j'ai. Sur le formulaire, nique sa mère, j'ai tout coché. 9 de I, c'est la famille, faut pas toucher. Pistolet en l'air, y'a pas de droitier, y'a pas de gaucher. Mauvais joueur, j'ai vite fait de tout lâcher. Adapté, on baisse tout, on se fait pas chier. Voilà soin d'hier soir, tu veux revenir, annule-la. J'ai allumé le projecteur, quelque chose me dit que c'est la moula. Pas de bail de dromadaire, ça trime sans mal ou moi. C'est gros salaire, c'est grosse audience, c'est Anima. Qui va m'arrêter, peut-être la 5G. Traqué, ces enculés savent tout ce que je fais.